quand Dieu crée le ciel et la terre. Dieu décide de créer le monde, un monde tout en couleurs. La mer toute bleue et les nuages blancs du ciel. La terre avec ses taches jaunes et brunes. Des arbres d'un vert éclatant, des fraises rouges comme des coquelicots et des fleurs multicolores qui dansent dans les prés. Dieu crée le soleil qui réchauffe. Quand il se lève, les papillons et les oiseaux jouent à cache-cache, les poissons nagent et les lapins courent. Dieu crée aussi la lune. Quand elle brille, c'est l'heure d'aller au lit. Dieu n'oublie pas les lions, les éléphants, les singes, les tortues, les ours et les lézards, les truites et les mouettes. Il crée aussi les animaux du désert. Dieu décide enfin de créer l'homme. Ton nom est Adam. Prends soin de la terre. Elle est très belle. Adam commande aux animaux. Dieu est content de son travail et se repose. Dieu offre un merveilleux cadeau à Adam. Ce jardin est pour toi. Adam n'en croit pas ses yeux. Dieu ne veut pas qu'Adam reste seul. Il crée la femme. Adam l'appelle Ève. Adam et Ève jouent dans le jardin. Adam aime montrer à Dieu la joie qui déborde de son cœur. Adam et Ève sont très heureux dans le jardin. Ils montent à cheval et boivent le lait des vaches. Ils peuvent goûter des fruits sucrés par milliers. C'est plein de vie. Dieu leur a dit: mangez tout ce que vous voulez, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Un jour, sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève rencontrent le serpent rusé et très malin. Regardez ce fruit, comme il a l'air délicieux. Adam et Ève ont tellement envie d'y goûter qu'ils mordent dedans. Ils ont peur que Dieu soit fâché. Ils savent bien qu'ils viennent de faire une vraie bêtise, alors ils se cachent. Soudain, ils entendent le pas de Dieu qui vient vers eux. Allez, sortez de là. Alors, Adam et Ève doivent se mettre en marche. Qu'y a-t-il au bout du chemin? Aujourd'hui, Adam et Ève ont deux enfants, Caïn et Abel. Caïn est laboureur. Il transpire. Son travail est très fatigant. Abel est berger. Dans les champs, il joue de la flûte et garde les moutons. Caïn est jaloux de son frère. J'en ai assez! Ton travail est beaucoup plus facile que le mien et Dieu t'aime sûrement plus que moi. Un jour, Caïn est très en colère. Il attaque Abel et le tue. Dieu demande à Caïn: où est Abel? Caïn lui raconte des mensonges. Alors Dieu lui dit: je sais que tu as tué ton frère. C'est très grave. Caïn demande pardon à Dieu. Dieu lui répond: Tu as fait quelque chose de mal, mais moi, je ne te ferai pas mourir et je ne t'abandonnerai jamais. » Sur la terre, les hommes sont devenus méchants. Dieu en a assez. Il va voir Noé, le seul homme juste, et lui dit « Construis un grand bateau. Je vais recouvrir la terre d'eau et noyer toute cette méchanceté. » Noé construit une arche. Vite, vite, grimpez tous, l'eau monte, c'est un vrai déluge. Quelle précipitation! La famille de Noé et des milliers de couples d'animaux montent à bord. Chacun a trouvé une place. Les enfants, les éléphants et même les petites souris. Dieu ferme la porte. La pluie tombe longtemps, très longtemps. Il y a de l'eau partout sur la terre, jusqu'en haut des montagnes, et le bateau flotte. Après 40 jours, la pluie s'arrête. Noé envoie une colombe dans le ciel. Elle revient bientôt, un rameau d'olivier dans le bec. Hourra ! On voit la terre ! Les animaux bondissent hors du bateau. Les enfants courent dans l'herbe fraîche. La terre sent bon. On peut l'habiter à nouveau. Le soleil brille et un arc-en-ciel dessine un pont entre le ciel et la terre. C'est un signe. Dieu m'a promis qu'il n'y aurait plus jamais de déluge. Maintenant, on peut vivre en paix. Dit Noé. Les enfants de Noé ont beaucoup d'enfants. Et les enfants de leurs enfants sont encore plus nombreux. Ils se connaissent tous et décident de construire une tour très haute qui touche le ciel. Certains se prennent pour des héros et même pour des dieux. Dieu veut arrêter cette construction. Il dit « Que maintenant, chacun parle une langue différente. » Alors, plus personne ne se comprend. Les gens partent dans toutes les directions. Ils vont peupler le monde. La tour abandonnée s'appelle la tour de Babel. Abraham est un ami de Dieu. Un jour, Dieu l'appelle. Quitte ton pays et va vers le pays que je te ferai voir. Avec Sarah, sa femme, et toute sa famille, Abraham marche longtemps. Un soir, il plante enfin sa tente sous des chênes. Regarde, Sarah, ce pays est pour nous et nos enfants. Mais Sarah est triste. Elle est vieille et elle n'a pas d'enfant. Il est midi. Au loin, Abraham voit trois voyageurs. Sarah, prépare des galettes. Nous avons des invités. Les trois voyageurs se reposent sous les chênes. Dans un an, dit l'un d'eux, vous aurez un bébé. Sarah rit. C'est impossible, nous sommes trop vieux. Rien n'est impossible à Dieu, répond le voyageur. Dieu a tenu sa promesse. Sarah attend un bébé. Abraham est tout joyeux. Bientôt, le bébé naît. Il sourit, il est plein de vie. Petit enfant, ton nom est Isaac, ce qui veut dire « Dieu sourit ». Isaac grandit et devient un homme.

Naaman, le chef de guerre d'un pays étranger, va voir le prophète Élisée. J'ai une maladie très grave, la lèpre. Toi seul peux me guérir. Prends 7 bains dans le Jourdain, lui dit Élisée. Naaman est très déçu. Pas de mots compliqués, ni de formules magiques. Finalement, Naaman fait confiance à Élisée. Il se plonge dans le fleuve et il en ressort guéri. Un jour, Dieu demande au prophète Jérémie d'aller rendre visite à un potier. En regardant le potier modeler son vase, Jérémie comprend que Dieu agit avec son peuple comme le potier. Il fait de son mieux pour le rendre solide et beau. Il prend soin de ce qu'il a fait. Le prophète Osée fait une grande découverte. Regardez cette maman qui berce son bébé contre son cœur. Dieu a le même sourire pour tous les hommes. Dieu guide son peuple comme un papa qui rassure et protège. Il le nourrit et l'embrasse comme une maman. Sur le marché, le prophète Amos voit des marchands tricher pour gagner plus d'argent. Partout, il remarque que ce sont les riches qui font la loi. Personne ne fait attention aux pauvres. Amos parle durement aux riches. Vous êtes injustes et égoïstes. Vous ne pensez pas aux autres. Vous serez punis. Partout, il y a de plus en plus de disputes. Les habitants d'Israël se battent aussi avec les autres pays. C'est la guerre. Des soldats étrangers les font prisonniers, les emmènent de force dans leur pays, à Babylone, et détruisent la ville de Jérusalem. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Daniel, un jeune homme du peuple d'Israël, habite à Babylone. Il va souvent chez le roi Darius. Darius aime beaucoup Daniel, car il est très intelligent. Et quand le roi le lui demande, Daniel lui explique ses rêves. Mais à la cour, les ministres du roi sont jaloux de Daniel. Ils cherchent un moyen de le tuer. Un jour, les ministres du roi surprennent Daniel qui prie dans sa chambre. Ils vont dire au roi, « Nous avons vu Daniel. Il prie le Dieu de son pays. C'est interdit. Il faut le jeter dans la fosse aux lions. » Darius est vraiment triste. « Je vais perdre mon ami, mais c'est la loi. Et même si je suis le roi, je ne peux rien faire. » Le soir, juste avant qu'on ne jette Daniel dans la fosse aux lions, Darius va voir son ami. Il est malheureux. Il le supplie. Prie ton Dieu pour qu'il te sauve. Le lendemain matin, Darius court vers la fosse. C'est incroyable! Daniel est vivant! Dieu l'a protégé des bêtes sauvages. Darius, tout joyeux, fait sortir Daniel de la fosse et à sa place, il y fait enfermer tous ses ministres jaloux. Ce jour-là, Darius décide de faire une nouvelle loi. Dans tout le royaume, les gens ont le droit de prier Dieu. Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive. Mais Jonas a peur d'aller dans cette grande ville. Non, je n'irai pas. Les habitants de Ninive sont des voleurs et des brigands. Au lieu de partir à Ninive, Jonas désobéit à Dieu. Il saute dans un bateau et s'enfuit en sens inverse. Soudain, le vent se lève. Les vagues deviennent énormes. Les matelots tremblent de peur. C'est ma faute ! Hurle Jonas. C'est Dieu qui se fâche contre moi et qui provoque une grande tempête. C'est parce que j'ai désobéi. Jetez-moi à la mer. Les matelots jettent Jonas par-dessus bord. Il s'enfonce loin, loin, dans un tourbillon. Et puis soudain, un énorme poisson l'avale. La tempête se calme aussitôt. Jonas reste prisonnier dans le ventre du poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, il prie et demande pardon à Dieu. Le poisson recrache Jonas sur le rivage. Aussitôt, il part à Ninive. Pendant 3 jours, il traverse la ville en criant « Cessez d'être méchants ! Faites confiance à Dieu !» Les habitants de Ninive découvrent que Dieu s'intéresse à eux. Ils décident d'arrêter leur méchanceté et Dieu leur pardonne. Jonas n'en revient pas. Ça alors, Dieu aime tous les hommes. Job est un homme juste et bon. Un jour, sans raison, il perd tout. Il tombe malade. Il se retrouve tout seul et même ses amis le laissent tomber. Il murmure dans son dos « Il a sûrement fait quelque chose de très mal pour avoir autant de malheurs d'un seul coup. » Job a mal. Il pleure et se met en colère. « Dieu, au secours, aide-moi !» Job est sûr que Dieu l'entend. « Bientôt, tout ira mieux. J'ai confiance. » Ses amis le prennent pour un fou. Ils se disent entre eux « C'est sûr, Dieu l'a abandonné. » Job ne les écoute pas. Il continue à prier et crie vers Dieu sans arrêt. Finalement, Dieu répond. Bientôt, Job retrouve la santé, une nouvelle famille, une nouvelle maison et un nouveau travail. C'est une nouvelle vie. Le prophète Isaïe apporte une très grande espérance au peuple. Un jour viendra un sauveur, un enfant qui donnera à tous la joie et la paix et qui éclairera toute la terre de son amour. Le peuple attend cet enfant promis par Dieu. Ce sera lui, le Messie. Dieu, c'est toi, mon Dieu. Je te cherche dès le lever du soleil. Je te cherche comme on cherche un puits dans le désert. Toute ma vie, je vais chanter ton nom et frapper des mains. Tu es la joie de mon cœur. Quand Dieu envoie son fils, Jésus. Marie est une belle jeune fille, toute simple. À Nazareth, tout le monde l'aime bien. Depuis peu de temps, elle est fiancée avec Joseph, le charpentier. Il est de la famille de David. Un jour, l'ange Gabriel est envoyé à Marie. Bonjour, Marie. Dieu t'a choisie pour être la maman du Messie, celui qui vient aimer tous les hommes. Marie est très étonnée. Elle ne comprend pas. Alors, l'ange lui dit « N'aie pas peur. Bientôt, tu auras un bébé. Tu l'appelleras Jésus. » Et Marie dit oui. Joseph fait un rêve. il entend la voix de l'ange. N'aie pas peur de te marier avec Marie. Elle va avoir un beau bébé. Tu l'appelleras Jésus. Et Joseph le fait. Marie part chez sa cousine Élisabeth. Elle aussi attend un bébé. Il s'appellera Jean. Au bout du chemin, Marie voit sa cousine. Elle court se jeter dans ses bras. Le bébé d'Élisabeth saute de joie dans son ventre. Bravo, Marie. Tu portes un bébé merveilleux. Marie sourit. Oui, je suis très joyeuse. Je chante les merveilles de Dieu pour ce bébé qui va naître. L'empereur des Romains décide de compter tous les habitants de la terre. Joseph part avec Marie, qui va bientôt avoir son bébé. Ils vont à Bethléem, le pays de la famille de Joseph. Marie est très fatiguée par le long voyage. Joseph frappe à toutes les portes pour trouver une chambre, mais à Bethléem, il n'y a plus de place pour eux. Marie et Joseph se mettent à l'abri dans une étable. Cette nuit-là, le bébé de Marie naît. Elle l'habille chaudement et le couche dans la mangeoire des animaux. Tout près, il y a des bergers avec leurs moutons. Ils gardent les yeux bien ouverts, même la nuit. Tout à coup, ils voient une grande lumière et ils entendent la voix d'un ange. Un bébé extraordinaire vient de naître. C'est lui, le Messie, l'envoyé de Dieu. Allez le voir, vous le trouverez couché dans une mangeoire. Dans la crèche, les bergers trouvent Jésus. Ils sont très joyeux. Ils se mettent à genoux pour le regarder dormir, à côté de Marie et de Joseph. Très loin de Bethléem, des grands savants, les mages, regardent le ciel. Une nouvelle étoile brille. Un roi vient de naître. Les mages suivent l'étoile. Ils traversent le désert et arrivent à Jérusalem, dans le palais du roi Hérode. Où est le nouveau roi? Hérode est très inquiet. Le roi, c'est moi. Si vous en trouvez un autre, dites-le-moi. J'irai voir. Guidés par l'étoile, les mages arrivent à Bethléem et trouvent Jésus. Ils lui offrent de précieux cadeaux. Puis ils rentrent chez eux, sans repasser chez Hérode. Hérode a peur qu'un nouveau roi prenne sa place. Il envoie des soldats à Bethléem pour tuer tous les bébés. Un ange prévient Joseph. Vite, il faut cacher Jésus. Hérode est jaloux, il veut le tuer. Partez tous les trois pour l'Égypte. La nuit, Marie et Joseph s'enfuient en Égypte avec Jésus. Quand Hérode meurt, Marie, Joseph et Jésus reviennent dans le village de Nazareth. Là, Jésus grandit. Il apprend à lire et il aime prier Dieu. Souvent, il regarde Joseph travailler. L'été, il écoute le bruit du vent dans le blé et il se repose à l'ombre des oliviers. Avec ses amis, Jésus court dans les vignes et croque des fruits sucrés, des dattes, des figues et des amandes. Il est beau ce pays. Quand Jésus a 12 ans, il part en voyage avec ses parents. Il se joigne à toute la foule qui va en pèlerinage à pied jusqu'au temple de Jérusalem. Sur le chemin, il chante pour Dieu. Au retour,

Mais au milieu du repas, il n'y a plus de vin. La fête va être ratée. Marie dit au serviteur : Voilà Jésus, mon fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus ordonne au serviteur : Remplissez d'eau ces jarres. Le maître de maison boit. C'est incroyable ! C'est du vin ! Je n'en ai jamais bu d'aussi bon ! Tous les invités se régalent. La fête est réussie. Un homme malade tombe à genoux aux pieds de Jésus. J'ai la lèpre. Regarde les blessures sur ma peau. J'ai mal. S'il te plaît, fais quelque chose. Jésus regarde le lépreux avec amour. Il lui sourit, pose sa main sur lui et le guérit. Maintenant, rentre chez toi, lui dit Jésus, et ne raconte rien à personne. Mais sur le chemin, l'homme saute et danse de joie. Il raconte à tout le monde ce que Jésus a fait pour lui. Jésus est entré dans une maison. Tous les habitants se bousculent devant la porte. Poussez-vous ! On veut voir Jésus, nous aussi ! Un homme paralysé veut absolument voir Jésus. Je suis sûr que Jésus peut me guérir. Ses amis font passer le brancard par le toit. Jésus lui dit : Tes péchés sont pardonnés. Les gens disent : C'est Dieu qui pardonne les péchés. Alors Jésus dit : Lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. Et l'homme se lève. Les gens n'en croient pas leurs yeux. Qui donc est ce Jésus ? C'est le soir. Jésus est dans une barque avec ses amis. Il dort tranquillement. Soudain, le ciel devient noir et le vent se lève. Quelle tempête ! Des vagues passent par-dessus bord. Les amis de Jésus sont effrayés. Jésus, au secours ! Réveille-toi ! Jésus se relève et il commande au vent et à la mer de se calmer. Soudain, tout redevient calme. Oh, c'est incroyable ! Il n'y a plus une seule vague. Ses amis sont très surpris. Mais qui est-il donc ? Le vent et la mer lui obéissent. Un homme en larmes court vers Jésus. Ma fille est en train de mourir. Viens vite, sauve-la. Jésus le rassure. N'aie pas peur, sois confiant. Quand ils arrivent à la maison, tout le monde pleure. Cette petite fille n'est pas morte. Elle dort. Il lui prend la main et dit : Petite fille, lève-toi. Alors la fillette se lève et se met à marcher. Les gens qui sont là sont très étonnés. Un soir, une grande foule écoute Jésus. Ses apôtres sont inquiets. Jésus, tous ces gens ne peuvent pas rentrer chez eux sans manger. Jésus sourit. Eh bien, faites-les dîner. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, et ils sont des milliers. Dans ses mains, Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il remercie Dieu, partage les pains et les poissons, et les donne à ses amis pour qu'il les distribue à la foule. Tout le monde mange. Il reste encore beaucoup de pain dans les corbeilles. Et tous, ils repartent chez eux, le ventre plein et le cœur joyeux. Une nuit, les amis de Jésus sont dans une barque. La mer est calme, la lune brille. Mais soudain, ils sont effrayés. Regardez, quelqu'un marche sur l'eau. Il vient vers nous. C'est incroyable. Qui est-ce? Mais c'est Jésus. Pierre n'arrive pas à y croire. Il dit à Jésus: si c'est bien toi, fais-moi marcher sur l'eau avec toi. Viens, lui dit Jésus. Pierre sort de la barque et marche sur l'eau. Tout à coup, il a peur. Il s'enfonce dans l'eau. Oh, Jésus, sauve-moi! Aussitôt, Jésus le prend par la main. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? Depuis un long moment, une femme suit Jésus. Les apôtres en ont assez. Dis-lui de partir, Jésus! Elle nous fatigue! Qu'elle se taise! Elle répète sans cesse: Jésus, ma fille est malade. Guéris-la, même si je suis une étrangère. Jésus la regarde. Vraiment, tu as confiance en moi. Tout sera comme tu le veux. Aussitôt, sa fille est guérie. On amène à Jésus un homme sourd et muet. Il regarde Jésus, les yeux pleins d'espérance. Jésus pose la main sur ses oreilles et sa bouche. Il prie Dieu et dit « Ephphatha », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrent et il se met à parler. Ceux qui sont là sont dans la joie. La foule crie « Jésus arrive! Il est là !» Bartimée est aveugle. Assis au bord du chemin, il appelle « Jésus, s'il te plaît, aide-moi !»« Tais-toi !» lui disent les autres. Mais Bartimée crie encore plus fort. Jésus le fait appeler. Alors, d'un bond, il s'élance vers Jésus. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» lui demande Jésus. « Je veux voir. » Alors Jésus lui répond « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, ses yeux s'ouvrent et il voit. Il suit Jésus avec les autres sur le chemin. Marthe est en larmes. « Mon frère Lazare vient de mourir. Tu aurais pu le sauver, Jésus, mais tu es arrivé trop tard. » Jésus pleure, car son ami est mort. Devant la tombe, Jésus prie Dieu, puis il crie « Lazare, viens dehors !» Alors Lazare se relève et sort. Tous ceux qui sont là voient que Jésus est plus fort que la mort. Ils croient en lui. Quand Jésus donne sa vie. Jésus arrive à Jérusalem sur un petit âne pour la fête de la Pâque. Les habitants se bousculent pour le voir. Sur son passage, ils agitent des branches de palmiers et recouvrent le sol avec leurs plus beaux vêtements. Ils crient « Vive Jésus! C'est lui le Messie !» Jésus entre dans le temple. Il voit tous les marchands qui comptent leur argent. Il est très en colère. Il les chasse tous. La maison de Dieu est une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus sait qu'il va mourir. Pour fêter la Pâque, il organise un dernier repas avec ses amis. Il prend du pain, remercie Dieu. Il le partage. Prenez,

ceux qui croient en Jésus aiment se retrouver tous ensemble. Ils se réunissent dans des maisons. Ils écoutent les apôtres qui parlent de Jésus. Ils prient ensemble. Ils partagent le pain comme Jésus l'a demandé. Et ils partagent aussi tout ce qu'ils ont pour que personne ne manque de rien. Ici, tout le monde est important. Devant le temple, un homme infirme demande de l'argent. Pierre lui dit : « Je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Aussitôt, l'homme se lève, il saute de joie et remercie Dieu. Beaucoup de gens viennent voir les apôtres pour être guéris. Quelle pagaille dans le temple! Cela ne fait pas plaisir à tout le monde. Étienne est un ami de Jésus. Il rend beaucoup de services et prend soin des pauvres. Quand il parle, tout le monde l'écoute. Certains sont jaloux. Qu'il se taise avec son Jésus, cela suffit! Il le tue à coups de pierre. Étienne meurt en priant. Jésus, pardonne-leur tout ce mal. Saul était là avec ceux qui ont tué Étienne. Et il continue à pourchasser ceux qui croient en Jésus. Un jour, sur la route de Damas, une grande lumière l'éblouit. Il entend une voix. Saul, je suis Jésus. Pourquoi me fais-tu du mal? Quand Saul se relève, il est aveugle. On le conduit à Damas. Ananias, un ami de Jésus, le soigne. Il pose ses mains sur les yeux de Saul et Saul voit. Ananias le baptise et, à partir de ce jour-là, il s'appelle Paul. Il annonce partout la bonne nouvelle de Jésus. Une nuit, dans un rêve, Pierre voit Corneille, un soldat romain. Loin de là, Corneille fait aussi un rêve. Il voit Pierre. Un peu plus tard, Pierre et Corneille se rencontrent pour de vrai. Ils n'ont rien en commun et pourtant, ils s'accueillent comme des amis. Corneille veut être baptisé. Pierre hésite. Peut-il baptiser un étranger, un soldat ennemi? Finalement, Pierre accepte. Jésus est vivant pour tous les hommes. Tous les apôtres se retrouvent à Jérusalem. Barnabé présente Paul. Certains sont étonnés de voir leur ancien ennemi avec eux. Paul veut parler de Jésus à tous les gens de la terre. Pierre aussi est d'accord pour parler de Jésus aux étrangers. Avec tous les autres apôtres, il prie et demande à Dieu de les aider à trouver la meilleure façon de faire. Paul est envoyé en mission avec plusieurs compagnons, Barnabé, Silas, Tite, Timothée. Ils vont porter la bonne nouvelle à travers toute la terre. Paul va de village en village pour parler de Jésus. Il n'est jamais fatigué. Il lui arrive plein d'aventures. Ceux qui accueillent la bonne nouvelle de Jésus s'appellent les chrétiens. Paul travaille et prie avec eux. Parfois, Paul est bien accueilli, mais d'autres fois, on se moque de lui, on le chasse ou on veut le tuer. Près de l'île de Crète, le bateau de Paul est pris dans la tempête. Le bateau coule. Paul manque d'être noyé. Partout où il passe, Paul baptise des hommes, des femmes et des enfants. Chez Lydie, Paul est invité. Il peut se reposer. Paul travaille avec ses compagnons. Son métier, c'est de coudre des toiles de tente. Dans la synagogue, la maison de prière des Juifs, Paul explique la parole de Dieu. Si je dis de belles paroles, mais que je n'aime pas les autres, je suis comme un instrument de musique qui ne fait que des fausses notes. Si je donne tout ce que j'ai aux pauvres, mais que je n'aime pas les autres, ça ne sert à rien. L'amour s'apprend lentement. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour aime celui qui est juste. L'amour dure toujours. Paul n'aime pas que les nouveaux chrétiens se sentent seuls. Il leur écrit de longues lettres pleines de conseils qui donnent envie de croire en Dieu et de vivre heureux. Quand les chrétiens reçoivent une lettre, ils en prennent bien soin et la relisent souvent ensemble. Les autres apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont aussi écrit de très belles lettres. Un jour, Paul est arrêté. Des soldats l'emmènent à Rome pour qu'il soit jugé. Ce sera la fin de son voyage. Après les apôtres, après Paul et ses compagnons, les chrétiens continuent de se réunir pour prier Jésus. Jésus veut rassembler tout ce qu'il aime. C'est la grande famille de Dieu. L'Église, c'est comme une grande foule qui marche vers Dieu pour une grande fête. Tout le monde est invité.